Le groupe Belloussi, votre spécialiste en sanitaire, chauffage, plomberie, partenaire des services des sports de Fly FM, vous offre ce programme. Fly FM présente Top Chrono, le magazine des sports avec Fred et l'équipe des sports. Top Chrono, Top Chrono. Bonsoir, bienvenue dans Top Chrono, après cet après-midi en musique. J'espère que vous allez très bien. Il est 18h30, précise, 1h30 de sport. Avec ce soir, vous allez voir un programme alléchant. Mais juste avant de démarrer, il faut toujours savoir, avec la température fléchissante, les 30 degrés cet après-midi, si notre amie Monique va bien. Je vais très bien, Fred. Bonsoir tout le monde. Et Gilles, revenu de vacances, l'homme qui n'était toujours pas là et qui est revenu, comment tu vas? Bonsoir tout le monde, bonsoir toute l'équipe et bonsoir à nos invités. Voilà, nos invités, tu as déjà tout dit. Et juste avant, on va voir si Bip Bip Bougon, et lui, il était sur tous les terrains d'athlétisme ce week-end. Et qu'est-ce qui nous a ramené de beau? Bah, hier, j'étais dans les starting blocks, hein, quand tu peux le dire, au niveau des championnats Benjamin Minime qui avaient lieu à Lille-sur-la-Sorgue. Ensuite, le samedi, je n'étais pas, mais il y avait les championnats départementaux de Vaucluse sur piste qui avaient lieu à Orange. Donc, il y a eu pas mal de performances selon certains clubs. Et on peut dire que là, le Pontet a sorti son quota au niveau résultat sportif. Pas moins de 30 podiums. Et voilà, ce soir, bien sûr, mon ami Gilles a déjà lâché un petit peu le morceau. Ce soir, spécial handball, c'est le club de Mazan qu'on va mettre à l'honneur. Ces joueuses de la Nationale 3 qui ont fait quelque chose de fabuleux tout au long de cette saison. Elles ont mérité le droit d'aller disputer un barrage pour la Nationale 2. Et avec nous, il y a son entraîneur emblématique, Carl Vinsono. Bonsoir, Carl. Bonsoir. Il nous a amené avec nous l'une des plus, on va dire, ravissantes et à la fois dangereuses buteuses de cette équipe, puisque dans les stats, quand on regarde cette Nationale 3 pour le 8, eh bien, c'est la meilleure. C'est Ricard Julie. Bonsoir, Ricard Julie. Bonsoir. Et avec nous, tiens, allez, allons-y, je vais donner la place au coach, lui qui est coach, comme on dit, à chaque match. Qui c'est qui est avec nous? Ben, y a Justine Blanc, qui est la gardienne, une des deux gardiennes de but du collectif. Et Nina Le Forestier, qui est qui est arrière gauche, à ses temps libres. Voilà. Allez, on va leur donner la parole, voir un petit peu comment elles ressentent un petit peu ces premières joutes à la radio. Et on va commencer bien sûr avec la capitaine Julie. Comment tu vas, Julie? Ça va, merci. Ça y est, la pression tombe un petit peu ce soir, ici, dans Top Chrono, 1h30. On va vous mettre un petit peu en lumière, on va revenir sur cette belle saison. Je pense que tu prends beaucoup de plaisir cette année, non? Ah oui, vraiment. C'est vraiment un honneur pour moi d'être capitaine cette année. Et surtout, ben, avec les résultats qu'on fait, on est vraiment satisfaite. Et je suis vraiment satisfaite de mes joueuses et de mes coéquipières. Justine, c'est un groupe, hein, c'est une équipe, c'est un tout, parce que je vous ai vu, je vois un petit peu la solidarité qu'il y a entre vous. Tu es gardienne, toi aussi, c'est important de voir un petit peu de l'arrière, tout ce qui se passe sur le terrain. Oui, c'est important. Oui, c'est important. Et tu prends beaucoup de plaisir cette année? Oh oui, c'est super. C'est une belle saison? Oui, c'est une belle saison. On a énormément progressé par rapport à l'année dernière, donc c'est super. Et Nina Le Forestier, toi aussi, je crois que vous faites quelque chose de... Vous savez que vous avez écrit déjà une page, parce que bon, faut savoir que la Nationale 3, eh bien, Mazan en avait rêvé, mais Mazan y est arrivé, puisque cette fois-ci, c'est pas la Nationale 3 qu'on va aller tutoyer dans un match, c'est la Nationale 2, c'est bien, non? Bah oui, après on a un petit peu de pression, justement, avec les barrages qui arrivent, mais on va essayer de tout donner, et puis pour marquer un peu plus l'histoire du club. Carl, cette équipe, coacher, tiens, il y a combien d'années que tu es arrivé pour coacher la nationale, de la pré-nationale, puis après la nationale 3? Bah, c'est la cinquième année là, où je suis à Mazan depuis 5 ans. Ouais. 5 ans en PN la première année, et puis là, en N3, un bon maintien cette année. Ouais. C'est quoi qui a fait la force de cette équipe? C'est d'avoir pratiquement, on va dire, le groupe, l'ossature des joueuses qui sont restées de l'année dernière, des années précédentes, ou avec bien sûr l'apport d'autres nouvelles joueuses, quoi. Bah, c'est un tout, oui. C'est le fait que le groupe, il n'a pas beaucoup évolué depuis 5 ans, même s'il a évolué quand même. C'est l'apport des jeunes qui sont arrivés au fur et à mesure des années, qui ont été formés par le club. Et puis, l'apport extérieur, bah, elle est là. Hein, on n'en a pas 12 millions, c'est Nina. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça. Et puis, peut-être ce qui a fait la différence, on en a déjà parlé, c'est le fait que les filles sont véritablement présentes. Enfin, le cœur, la plus grosse partie du groupe est présent à tous les entraînements, donc ça change aussi la donne au niveau du travail, au niveau de l'efficacité, de la constance du groupe, donc ça c'est intéressant. Ouais. On y reviendra dans quelques minutes, bien sûr. On va parler du sommaire de Top Chrono. On va revenir dans ce club de Mazan parce qu'il y a des choses à dire. Et surtout, il y a des choses que j'ai notées la deux fois où on a pu participer, bien sûr, au direct. Et ce fameux match face à Clermont-Saint-Lagou, qui était déjà d'un très haut niveau, mais je crois que je l'avais déjà répété plusieurs fois, puisque tout au long de la soirée, j'avais indiqué qu'on était vraiment sur du très haut niveau, presque la Nationale 2. Revenons maintenant un petit peu au sommaire de Top Chrono ce soir. On va parler basketball. Ça sera le dossier du sport dans les banlieues. Patrice Mèche nous a rapporté un reportage de M. Tissot et Dylan, joueur du SAP, et oui, tous les mercredis, du côté de la banlieue avignonnaise, si me semble bien, Champfleury. Eh bien, il y a des ateliers sportifs où des sportifs viennent un petit peu donner leurs conseils à des jeunes joueurs et pourquoi pas des jeunes du quartier. Football, les résultats, Lille sur Sorgue, gros plan sur les U19, ils sont montés en DHR, nous retrouverons dans quelques minutes leur entraîneur, mais viendra aux alentours de 19h un Bruce Caudron qui est allé un petit peu coacher cette équipe des U19, ce qui leur a permis d'avoir le droit de jouer en DHR. Il reviendra bien sûr sur cette équipe de Mazan, dont il porte un petit peu haut les couleurs et surtout son cœur pro et de Mazan, parce que là-bas il a eu tous les 7 titres et il a surtout boxé dans cette ville, il adore le handball, il nous en fera en part dans quelques minutes. Fil rouge ce soir tout au long de cette émission, et ça a déjà commencé, les joueuses de cette fabuleuse équipe de Mazan sont avec nous, son entraîneur Carl Vinsono, et tout au long de cette soirée nous reviendrons bien sûr sur ce championnat qui s'est terminé, qui va se terminer la semaine prochaine, mais la semaine prochaine répétita juste avant de passer dans le grand bain, on va dire. Ban en athlétisme, Bibi Bougon reviendra sur la lauréade. Oui, est-ce que tu as fait Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu n'es pas allé faire un tour en Russie des fois ce week-end? Non, pas en ce moment, mais il fait très chaud. Ouais. Tu es monté en Lozère? Comment? Tu es monté en Lozère? Non, pas du tout. J'avais un week-end très chargé, aussi bien sur le plan sportif pour en tant que starter, donc je ne me suis pas amusé. Et nous retrouverons bien sûr le magazine avec Marie. Elle viendra ici nous donner tout ce qui va se passer ce week-end. Elle vous apportera avec elle des rendez-vous sportifs et loisirs et même des fois culinaires. Et bien sûr, focus. Ça sera pratiquement 40 minutes. On reviendra sur le club de Mazan. On reviendra sur la signature entre deux entités handball qui veulent fonctionner ensemble pour le plus grand plaisir des supporters comme moi. Allez, on démarre avec le dossier. Basketball. Et oui, pourquoi du basket? Eh bien, c'est Patrice Mèche la semaine dernière qui était du côté de la banlieue d'Avignon où se déroulaient bien sûr les mercredis du sport. Et Monsieur Tissot est un petit peu l'organisateur de tous ces mercredis. Et on en a profité pour pouvoir récupérer son son et vous faire écouter ce qui se passe un petit peu dans le quartier. Monsieur Tissot, donc directeur de l'agence Eridia à Avignon, bonjour. Merci de nous accueillir sur une animation qui sort un petit peu des sentiers battus, puisque nous sommes sur les grands cyprès sur Avignon. Et aujourd'hui, c'est une animation basket qui se déroule, donc à votre initiative. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus profondément? Oui, tout à fait. L'objectif, c'était au cours du mois de mai, parce que ça y est, les beaux jours arrivent, de faire des émissions régulières, tous les mercredis, c'est le jour quand même qui est adapté, milieu de semaine, d'avoir des participations des occupants, des activités diverses et variées. Donc on a fait du dessin, on a fait des jeux, des jeux de société, des jeux ludiques, des jeux d'adresse, du sport aujourd'hui, on fera de la musique la semaine prochaine. Voilà, donc des activités qui permettent aux enfants de venir découvrir la culture, le sport, le fait d'être ensemble. Donc, c'était vraiment, vraiment l'objectif. Et puis de voir après, dans un deuxième temps, avec le retour des habitants, ce qui plaît le mieux, et de pouvoir poursuivre ça soit à la rentrée, ce qui sera encore beau en septembre dans notre région, et surtout l'année prochaine, pour mettre en place quelque chose encore de plus régulier, si possible, et puis surtout si ça plaît. Et ça a l'air de plaire, parce que finalement, chaque mercredi, on a de plus en plus d'enfants qui viennent, de mamans, donc ça a l'air de les intéresser, malgré le fait que ce soit toujours différent. Donc il y a aussi cet esprit découverte, je vais dire voir la semaine prochaine ce qui se passe. D'accord. Et donc dans un projet plutôt de socialisation du quartier, d'arriver à sortir un petit peu les enfants de leur milieu et qu'ils découvrent diverses activités. Voilà, donc vraiment porter sur le vivre ensemble. Moi, l'objectif, c'est qu'ils descendent de chez eux, à la fin de l'école, quand ils ne savent pas quoi faire, qui ne restent pas devant la télé, qui descendent, qui se rencontrent, ça c'est très important, qui se parlent entre eux et qui fassent des choses, ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de faire, parce que c'est pas forcément évident d'aller à l'opéra, à Lyon, de faire de la musique, d'aller tenter du théâtre. Donc leur montrer ce qui existe, leur donner peut-être des idées pour l'avenir, voilà. Et puis on va découvrir ce qui leur plaît le mieux. Et puis leur dire, dites-nous ce que vous avez envie de faire et on essaiera de le réaliser. On essaiera peut-être l'année prochaine de faire autre chose. Moi j'ai eu quelques idées, voilà, cette fois-ci. Je n'ai tout simplement pas pensé à tout. Il y a des choses que je n'ai pas pu faire. Je voulais faire du théâtre, bon, il faut qu'on y réfléchisse un peu plus en amont, c'est avec des cours, ouais, voilà, donc c'est un peu sûr, plus hein. de temps. Il faut des fois aussi travailler avec le Grand Avignon, il y a Madame Merlin qui est responsable des associations aussi pour monter des choses qui nécessitent un peu plus de temps, de maturité. Voilà. Donc aussi recueillir des idées de la part des enfants et des parents. Tant que directeur d'agence, c'est quand même un vecteur principal pour le bon vivre de vos locataires. Ça fait partie un petit peu de votre politique. Tout à fait. C'est vraiment que les gens se rencontrent aussi les gardiens et le gestionnaire du site qui le voient d'une autre façon. Donc aujourd'hui, il vient participer lui aussi. On va finir par avoir un petit coup ensemble, manger une petite part gâteau. Des fois, il y a des mamans qui nous font justement un gâteau. C'est sympa, donc on échange, hein, voilà. Donc il y a toutes les cultures et ça permet de découvrir aussi d'autres certaines personnes. Donc un échange convivial et voilà, c'est pas le gardien qui dit il faut pas mettre les pieds ici, il faut faire attention là, il faut ramasser le papier. Non, on le voit sous un autre angle, avec une animation et des sourires, et ça c'est le plus important. Oui, je pense que c'est très important et puis surtout ça permet d'avoir un bon vivre dans le quartier. Parce que souvent ce sont des quartiers qui sont réduits à eux-mêmes et les gens ne sortent pas spécialement. Donc c'est vrai que c'est un vecteur principal pour découvrir et puis surtout pour s'ouvrir sur d'autres horizons. Oui, et puis c'est des quartiers où malheureusement il y a peu de place. Il y a peu de structures sportives. Hein. Bon, madame. Notamment, ouais. Madame, elle essaye d'en développer. Bon, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut du temps. Hein. Donc je sais qu'elle est motivée pour le faire, mais voilà, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Donc on essaye de disposer un peu des places. Et les enfants, autour, c'est pas facile parce que les structures sont loin. Il y a beaucoup de véhicules sur le long de la rocade, donc on ne peut pas laisser partir les enfants comme ouais, ça. Exactement. Donc même si c'est des structures qui ne sont pas forcément si loin de Marseille, voilà, les gens ont du mal à y aller. Partir en vélo, c'est pas évident. Donc si on leur apporte des choses sur place, c'est primordial. Parce que là, les enfants, ils descendent, ils sont en sécurité. Voilà. Les parents vont nous les laisser parce qu'ils connaissent aussi les gardiens et les gestionnaires qui sont avec eux, donc ils ne vont pas hésiter éventuellement à laisser descendre l'enfant tout seul et le rejoindre un quart d'heure plus tard. Ça, c'est également important. Autrement, les enfants, ils ne peuvent pas aller trop loin. Alors demain, le tram va leur permettre peut-être d'aller sur des structures. Voilà. Et ça, c'est demain. Donc, il faut commencer à préparer ça sur 2-3 ans. C'est une première expérience. Bon, on fera le bilan au mois de juin. On demandera un petit peu aux gens ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont envie de refaire. Donc ça sera un premier bilan et on verra si on peut le poursuivre l'année prochaine, mais l'objectif est de poursuivre, bien sûr. C'est quand même un bilan positif, parce qu'on voit quand même cet après-midi qu'il y a quand même pas mal de participants et puis que tout le monde répond présent, donc je pense que vous avez gagné déjà votre pari. Oui, tout à fait, parce que comme je le disais tout à l'heure, finalement, tous les mercredis, on a de plus en plus de personnes. La première fois, je découvre, qu'est-ce que c'est nouveau, un petit peu apeuré, pas osé, et puis le lendemain ils en parlent à l'école, ils disent tiens hier j'ai fait ça, donc le lendemain le copain il vient, et puis la semaine d'après il revient, et puis voilà, et puis ça, et c'est bouche à oreille. Du bouche à oreille. Alors on l'a fait, exactement. Et puis moi je leur ai dit mais c'est pas non plus circonscrit au Grand Cyprès, si vous avez des copains à l'école, parce que c'est une école qui est ici au centre bien Grand Cyprès, mais la Barbière est à côté, c'est nos homologues bailleurs, on dit si vous avez des copains, vous leur invitez, c'est ouvert à tout le monde. Bien sûr. On le fait, c'est dehors. Voilà, c'est pas fermé. C'est Rilia qui est porteur du projet, mais demain, ça sera peut-être d'autres. Et, de toute façon, c'est l'association avec le Grand Avignon et la ville. L'objectif, il est là. Exactement. Très belle initiative. Et puis, je vous en remercie. Et puis surtout, c'est tout à votre honneur de mettre en place ce genre d'activités qui sont, je pense, un petit peu novatrices et qui permettent à tout le monde de s'y retrouver. Merci aussi pour votre action. Merci d'être venu pour relayer cette information. Parce que justement, ça peut-être aussi réfléchir dans d'autres quartiers. Et donc, si ça peut demain se développer, ça sera gagné. J'espère aussi. Merci. Merci. Voilà ce beau reportage de Patrice Bèche avec Monsieur Tissot. On le remercie d'avoir pris quelques minutes pour pouvoir expliquer et nous donner les contenus de ces journées qui se déroulent le mercredi. On va écouter Dylan, joueur du SAP de Sorgues à Avignon. Peut-être oui. Allons-y. Dylan, bonjour. Cet après-midi, tu es sur une animation qui est un petit peu différente de ce que tu peux connaître sur les parquets, dans un quartier. Donc, qu'est-ce que tu penses dans une première impression de cette initiative-là? Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça permet de faire découvrir aux autres d'autres sports qu'ils puissent connaître, dont amener le basket un peu aussi dans les quartiers, c'est plutôt sympa. J'ai déjà été intervenant dans d'autres personnes, dans d'autres entreprises, même pour des entreprises. Ouais. Donc c'est un plaisir pouvoir faire connaître notre sport et initier les enfants là-dessus. Je pense que le basket est un vecteur important dans le social et surtout dans les quartiers. Oui, parce que déjà c'est un sport collectif, donc du coup ça amène beaucoup pour les enfants, ça apprend à se connaître, à pouvoir faire des exercices ensemble. Donc c'est plutôt bénéfique pour eux et ça leur permet de pouvoir travailler ensemble vu que déjà c'est dans un quartier on est censé tous se connaître et tout, donc on amène aussi un plus par rapport à ça. Merci. Voilà, des joueurs professionnels qui sont à l'écoute, bien sûr, des quartiers. Merci Patrice Bèche pour ce reportage. Et merci à ce joueur qu'on retrouvera sûrement l'année prochaine. Vous savez que le torchon brûle juste pour en parler un petit peu du basketball à Sorgues, puisqu'on ne sait toujours pas si le SAP Avignon deviendra le SAP Avignon, où les Aigles de Sorgues pourraient retrouver leur salle de la peine sportive dès la saison prochaine. Et la salle Moriti devrait être emparée par le fameux SAP Avignon. Il faudra suivre le dossier de très près tout au long de cet été. Ça risque d'être chaud. Revenons au football. Restons-y avec notre ami Didier Bougon ce soir qui va s'y coller parce que monsieur Henri, c'est plutôt Zouk Machine, eh bien il n'est pas là ce soir et il va falloir pallier à son absence, mon cher Didier. Parlons un petit peu du football, de la division d'honneur division régionale. D'honneur. Si tu veux qu'on parle aussi de la Ligue Méditerranée Honneur. Oui, c'est okay. Celle-là, oui, c'est bien parti. Sûr. Donc, Pernes contre Euga 4-4. Ensuite, Menton contre Saint-Rémy 3-1. Hier, 2 contre Marignane 0-5. Gros score. Jemenos contre Salon-Bel-Air 0-1. Andoum, Cannes 3-3. Saint-Jean-de-Beaulieu, Saint-Maxime 5-1, Fréjus-Saint-Raphaël, Côte-Bleu 4-1. Et au niveau de ce groupe, c'est Cannes qui est en tête avec 77 points, Andoum 73 points. Et on va descendre un peu plus bas pour voir que Fréjus-Saint-Raphaël est avant-dernier avec 51 points et hier 2 avec 39 points. Ensuite... Oui, j'aimerais juste m'arrêter là pour Pernes. Tu es juste en train de parler. J'ai oublié. Oui, tu as oublié Pernes. Je suis méchant avec les gens de Pernes. Oui. Ils sont 10e avec 57 points. Merci Didier. Voilà, juste pour rappeler à Pernes quand même que Charlie de Corzan devrait faire son grand retour dans le staff technique. C'est vrai qu'on est très heureux du côté de Pernes, car Charlie de Corzan avait, on va dire, façonné le club pour pouvoir permettre de rester en division d'honneur. C'est tout à fait un honneur d'avoir revenu, on va dire, aux affaires dans le club de Pernes, Didier. Oui, oui, oui. Alors, je vais attaquer la poule A au niveau de l'honneur régional. Le SMUC contre Rousset-Saint-Victoré, 3-3. Fos-La Ciotat, 1 partout. Berre-Arles-Avignon, 4-5. Le Rove-Ascagne-Cross, 4-2. Tulle-Pierre-Val-Durance, 1-4. Moins-Sartoux, Gardanne 2-1. Et c'est Arles-Avignon qui est en tête au niveau de ce championnat avec 88 points, suivi de East 78 points, Monaco l'équipe 3 75 points. On va descendre un peu plus bas. Et puis Val-d'Urance 53 points, Moissartou 52 points. Et c'est Tulpia qui finit à la 7 dernière place de 36, avec 36 points. Là c'est Arles-Avignon qui jouera la saison prochaine en CFA2. Oui, ça commence à remonter tout doucement. Exactement. On va voir même sûrement. Tant mieux pour eux. Oui, on retrouvera bien sûr le Ponté qui va devenir le Ponté 84. Ça, c'est pour une identité, pour pouvoir peut-être rejoindre le Parc des Sports. Mais qui des deux va le rejoindre le plus rapidement? Fusion à suivre. Ou pas fusion, on verra bien. À suivre. Alors donc, au niveau de l'honneur régional, dans la poule B, nous retrouvons nos amis de Courthézon qui se font battre par à Martigues 4-2. Saint-Jacques-Arigne, Nance contre l'US Cap d'Aille 1-0. Dracénie, le Ponté 2, 3-1.